at kfai.org/program/writeonradio. Plus, listen to recent episodes. Now stay tuned for Bonjour, Minnesota. This is Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online at kfai.org. Bonjour, bonjour les copains. Comment ça va? Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Adrien. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain et Adrien. Comment ça va? Eh ben ma foi, ça va. Ouais. Ça va très bien. How about you guys? I'm good. We're doing. Yeah, I'm good too. Good to see you guys. Yeah. Are you getting tired to work from home? A little bit. Yeah. Yeah. Yeah, a little bit tired to work from home, but it's difficult. But just because I live in an apartment. Yeah. So sometimes I wish I had a yard now that it's so nice outside. I bet. But I still appreciate I'm lucky I have a job. I mean, you know, I can work from my living room. True. I mean, I don't complain. Yeah. Yeah, I can't either. I have a desk, so with my two screens, and I mean I have the laptop screen plus like a smaller TV that I kept to That's like a awesome. Second screen. So I'm pretty comfortable. And even like one of the things that appeared this week was the heat. So now when I have a meeting, if I have the AC, I have to turn it off because I have only one window. It's very, very loud. But most of the time this week, I was able to just get away with one fan behind me and be comfortable enough that I didn't have to. Yeah. It was really warm this week. That was a test for sure. Yeah. 90 degrees. But yeah, I'm hoping this week is going to be a little bit quieter because last week was pretty busy. I mean, there was a lot of things going on in Minneapolis, St. Paul, and there was the a country. Lot of, yeah, well, there was a lot of protests. There was the curfew, and yeah, a lot of things like that. So it kind of get busy. I mean, some of the stores were closed, like some of the Target were closed. So yeah, I mean, that makes things now. It should be this week should be a little bit easier. I think. Yeah. I think we're living history. Yeah. Indeed. Yeah. It's been quite an emotional week. Yeah. No emotions were spared. No. Between COVID and the protests. And yes, it's been a long week. Tonight, there's quite a few things to celebrate. I mean, from a playlist standpoint, I get a playlist ready like with three songs to celebrate the D-Day because it's the time of the it year. Is. Mm-hmm. It was Saturday. 76, is that correct? 76th anniversary of D-Day. Good. Yeah, 1944. And the Gay Pride should have been this Saturday, but got canceled because of the pandemic. COVID. However, it still needs to be celebrated. So most of the songs we're going to listen tonight are songs about gay, transgender, being different, accepting the difference, tolerance. There's a lot of love songs too. And we're going to finish also with some songs from Les Cafés because in France, they started to reopen slowly. And yeah, not just slowly, in some areas, indeed, in the green zones, it's pretty much fully reopened. And so, yeah, it's a big celebration. And I saw that some restaurants, because they could reopen, I think it was on the 2nd at midnight. Well, they had reservations after midnight. And some restaurants, especially in Paris, were fully booked at midnight. I mean, the outside in Paris, midnight. It was just in the Paris area. Just in the red zone. Yeah. Fully booked. People were so looking forward. How fun. Paris is orange. It's not. Is it? Okay. Yeah, Paris became orange. It's not red anymore. And one of the things that has been decided also is that the election for the mayors the second round, because they did the first round already, the second round is going to be on June 28th. Yep. So by the end of the month, they're going to have the second round. A lot of Parisians are looking forward because they are lacking. The first round is already done. Some mayors got already elected, but there's a lot of people in limbo. Did Michel Tabarot get elected? Yes. Yeah. She did get elected, actually. And my dad, that is also was running with Michel Tabarot in Le Canet in the south of France, where I'm from. They were elected on the first round. That's pretty good. Yeah, it was more than 50% of the votes. Okay. So they have been celebrating and they have had a socially distanced council meeting mm-hmm. already. Mm-hmm. I think that was very recent, maybe last week, if I remember correctly. Yeah, I think they could, the mayors could, because my sister is on the town council, and mm-hmm. they did that last week. I can't remember, but it was a maybe 10 days ago. And same day, when, yeah. That's when they could meet again to elect the mayor, etc. Yeah. One of the things I was sad about on this one is they were talking about the 17th arrondissement. Oh, okay. The 17 arrondissements. Yes. Oh. Because 1, 2, 3, 4 has been grouped into 1. Yes. Really? I believe it was a political decision. All the center of Paris, 1, 2, 3, 4. That includes your mom's yes, council? Yes. There's no longer mayor in the first, second, third, and fourth. There's going to be only one. Physically, the city hall for the center of Paris is going to be, they're taking over the city hall of the third arrondissement because it's the biggest. Okay. Like, where is it in the third? It's by Temple. Okay. Close to République. Yeah. Oh, all right. Yeah. Yeah. And so yeah, now there's only like 17 city halls. I mean, technically the first 1, 2, 3, 4 arrondissements still exist, but they are all represented from a mayor standpoint for the same mayor. All right. Okie dokie. Well, let's listen to some music. Yeah, in celebration of D-Day, I think that's what we're going to start with. Yeah, exactly. And then in the middle of the show, we'll have the events. Let's go. Okay, on y va. Yeah. C'est parti, mon kiki. So the first song we're going to listen to is from Dalida, and it's called Le Jour Le Plus Long, The Longest Day. And it is inspired by The Longest Day, which was the D-Day, because it was a very long day. It's also a very famous movie in France, which it's an American-made movie. There were a lot of French actors and American actors very famous in it. So if you want to know something about the D-Day, Saving Private Ryan is good, but The Longest Day is a better reflection of what happened all along. Then we're going to listen to Stone and Chardin with Made in Normandy, and they're impersonating, you know, an American soldier and debarking in Normandy and getting to know the Normandy. And then a version of Yves Montand of Le Chant des Partisans, which is a song that was created in London to support the French resistance and unify it. Because, of course, there was a lot of division even within the French resistance. Nous irons au cœur du monde par la poudre et le canon en comptant chaque seconde car ce jour est le plus long sous le verre et la mitraille des milliers se coucheront et le soir j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et

Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Dranem. It's a little bit older, and the name of the song is Henri, pourquoi tu n'aimes pas les femmes? Henry, why don't you like women? Then we're going to listen to Les Fatal Picard with Coming Out, and then Mylène Farmer with Sans Contrefaçon. And she's talking about the fact that she feels like she's a boy. Déjà quand j'étais moutard, rempli de malice, je refusais furibard le sein de ma nourrice. Oh quelle horreur, ça sentait le beurre, j'aimais mieux le précepteur. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, Henri, Henri, c'est pas gentil. C'est qu'elles font trop de drames et de chichi. Elles font aussi des filles, c'est pourquoi j'ai une préférence inaltérable en amitié pour tous mes semblables. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, Henri, Henri, c'est pas gentil. Tra la la la la la la, tra la la la la. On s'amuse tellement plus quand on est entre hommes. Tous les plaisirs de Vénus, moi cela m'assomme. A priori, j'aime quand on rit avec des bons amis. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, Henri, Henri, c'est pas gentil. C'est qu'elles font trop de drames et de chichi. Elles font aussi des petits. C'est pourquoi j'ai une préférence inaltérable en amitié pour tous mes semblables. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, Henri, Henri, c'est pas gentil. La la la la la. Ce n'est peut-être après tout, comme d'habitude, la vérité, voyez-vous, c'est une attitude. Je crois que si on initie, ça sera très réussi. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, Henri, Henri, c'est pas gentil. Oh, ça y est, j'adore les femmes. Elles ont leur prix et j'ai très vite appris. Je suis devenu un homme, ma femme, elle m'enflamme. C'est bien plus doux et je le proclame. Ça y est, il adore les femmes. Henri, Henri, Henri, c'est très gentil. La chemise blanche, les mocassins, le pantalon en velours vert, ça plaira sûrement à ta mère. T'as lu l'horoscope en venant, c'est le moment pour les Verseaux de vous confier à vos parents. Dommage que tu ne sois pas Verseau. Tu attendras la fin du repas pour leur parler un peu de toi. Coming out, comme il dit. En anglais, coming out, quoi qu'ils disent. En français, ça sonne vraiment pas mal. Ça s'annonce pas trop mal. Ça leur a fait vraiment vraiment plaisir de pouvoir manger avec toi. Abonné aux vieux souvenirs, ils se sentent un peu seuls parfois. Ton père collectionne mes silences, ta mère les caniches en faïence. Cette année pour le réveillon, ils s'offrent de tranches de saumon. Tu attendras qu'ils soient un peu moins morts pour leur parler de Victor. Victor. Coming out, comme il dit en anglais. Coming out, quoi qu'il dise en français. Ça sonne vraiment pas mal, ça commence pas trop mal. Des gens bien, plein de douceur et de tact. Ta mère a plus mine de rien, ne faire qu'une demi-crise cardiaque. Ton père a vraiment pris sur lui pour se montrer cool et ouvert. À part l'incident du fusil, tu peux vraiment en être fier. Tu attendras qu'ils soient un peu moins cons pour leur parler de l'adoption. Coming out, comme ils disent en anglais. Coming out, quoi qu'ils disent en français. Ça sonne vraiment pas mal, ça aurait pu finir plus mal. It was Dranem with Henri, Pourquoi tu n'aimes pas les femmes, Les Fatal Picards avec Coming Out, and Mylène Farmer avec Sans Contrefaçon. KFAI is supported in part by the strength of its underwriters. The businesses and organizations you hear mentioned between the music and news have aligned themselves with the values and mission of Fresh Air Community Radio and its listeners. Join us in keeping KFAI community forward by underwriting on air, on our website, and in the KFAI newsletter. Call us today at 612-341-3144, extension 22, or email sales at kfai.org. Hey, you. Yeah, you. Are you still living and breathing? Then you are in recovery from something. That's what my podcast, Authentic, is about. All things recovery. I'm in recovery from an eating disorder. I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm a compulsive gambler. A bipolar disorder. Really, the list could go on and on and on. However, the show isn't about me. Every Friday, a new episode airs featuring a guest who shares their experience, strength, and hope as it pertains to what they are in recovery from. If we help one person, then we have done our job. Guests on Authentic smash stigma, share solutions, and provide my favorite four-letter word, hope. You can listen to Authentic on KFAI.org or whatever podcast platform you use. Remember, be good to yourselves. It's important. Now we're going to listen to Famous T, and the name of the song is Homo Machine. Then Zaza Fournier with Mademoiselle, and a song from Serge Gainsbourg that we don't hear very often. It's called Kiss Me Holly. Accepte l'idée tant que c'est pas chez soi. Nathalie est mariée depuis longtemps déjà, car l'amour impossible c'est les filles avec les gars. Pourtant elle est partie un jour vivre avec Nadia. Un jour vivre avec Nadia. Agnès a mis du temps à dire à ses parents qu'elle préférait Sylvie à Julien ou à Dimitri. Ils ont dit tu crois pas qu'on a déjà assez de soucis. Ils ont dit tu crois pas qu'on a déjà assez de soucis. Dès là où il est né, il a choisi l'exil plutôt que de vivre caché. Quel dilemme imbécile, rester chez soi ou être gay. Quel dilemme imbécile, rester chez soi ou être gay. Julie aime Julia, Sophie aime Sophia, Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas. Question. L'amour ça se conjugue dans les âges ou les âges des horizons. Des couleurs ou de sexe il ne devrait être question.

York où l'on déconne, je suis parti. Tous là-bas, comme un seul homme, on redit. D'autres hommes qui m'ont dit. Was Famous Day with Homo Machine, Zaza Fournier with Mademoiselle, and Serge Gainsbourg with Kiss Me Hardy. Now we're going to listen to Juliette Gréco avec Les Pingouins, then La Rue Qu'est à Nous, and the name of the band is a play on word, it's spelled differently, but it means it's our streets. Les Hommes Que J'aime, The Men I Love, and Daniel Lavoie avec Ils S'aiment, They Are Loving Each Other. On voit beaucoup de pingouins et beaucoup moins de pingouines. Alors que les pingouines, y en a plus que de pingouins. Sans doute que les pingouins sont plus gais que les pingouines. Alors que les pingouines sont tristes, on le devine. Les petits pingouins se tiennent la main de façon divine. Les petites pingouines ne se tiennent à rien, non rien. Les petits pingouins boivent du bon vin dans de petites bouges. Les petites pingouines préfèrent le gros rouge. Parfois quand un pingouin rencontre une pingouine, ils jouent l'imagine, toujours aux quatre coins. Car les gentils pingouins ont très peur des pingouines, et les vilaines pingouines détestent les pingouins. Les petits pingouins se mettent du fond de teint ou bien quelques huiles. Les petites pingouines ne se mettent rien, non rien. Les petits pingouins ont des petits points, souvent ils épilent. Les petites pingouines font face à viril. Et si l'on voit de loin ces pingouins, ces pingouines, bien d'autres en sourdine gravissent nos chemins. Car chacun sait très bien que les pingouins, les pingouines, surtout s'ils se dandinent, ressemblent aux humains. Petits pingouins, petits humains, vivez comme des reines. Ce serait pas la peine de nous faire tous potins. Petits pingouins, petits humains, de façon certaine, y a que les je t'aime qui ne trompent point. Enfants, à amour plein d'espoir, impatient, et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Enfants de la bombe, des catastrophes, de la menace qui gronde, enfants du cynisme, armés jusqu'au Juliette Gréco with Les Pingouins, La Rue qui est à nous with Les Hommes que j'aime, and Daniel Lavoie with Il S'aime. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Quarantine's almost over. You want to help with this? Dude, are you making a giant kite out of masks? Minnesota's almost open back up, and I wanted to do something fun with all these masks from Stay Home Minnesota. Okay, the kite's pretty cool, but you should keep some masks to wear. People are still getting sick, and it's good to be cautious. Wow, so how did you learn that? I'm so far behind on all the things that are going on. Oh, I was listening to KFAI. Besides having great music and fun hosts, they give me the information I need to make good decisions. It's pretty weird, but I like it. Now we're going to listen to Linda Lemay from Quebec avec Les Deux Hommes, The Two Men. It's a very good story. Then Mecano, who's originally from Spain, and she has a couple of songs that were very famous in France, and it's one of them. Otherwise, they were a big success in Spain as well, in Spanish. And this song is Une Femme avec Une Femme, A Woman with Another Woman. Then we're going to listen to Moniz, which is one of the rare in rap music, acknowledging that he's gay, and the name of the song is Ma Déclaration, or My Declaration, and it can be taken as like a coming out. Ils voulaient devenir parents, les deux hommes, et ils se sont battus longtemps pour avoir droit tout simplement, les deux hommes, les deux têtus, les deux amants, à une famille. Alors ils ont adopté un joli poupon.

ce qu'ils en pensent ou disent ne pourraient rien y faire, qui arrête les colons en plein vol, à deux auras du sol, une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger. Mon cœur crie des larmes quand toi tu n'es pas là. sans ton existence, je suis comme un texte sans lyrisme, un acrostiche sans poésie et une musique sans rythme. Ton amour me permet de pouvoir sourire aux anges, et le temps passe si vite quand nos corps se mélangent. Le bonheur est une sensation si étrange, je l'avoue, tu es ma vie, mes espoirs. Sans désaccord, jouons de nos accords, je serai ton homme jusqu'à ma mort. Protégeons notre histoire dont nous sommes si fiers, et alors viens, allons leur prouver que deux hommes qui s'aiment peuvent être pères, peuvent être pères, peuvent être pères. It was Linda Lemay with Les Deux Hommes, then Mécano with Une Femme avec Une Femme, and Moniz avec Ma Déclaration. Right now we're going to talk about the events. The first one is Les Navigateurs de la Littérature Book Club. It's on June 10th between 7 and 8 p.m. It's an event online. You can check out the tickets at afmsp.org. This time the book discussed will be L'Homme qui fait le Nobel by Patrick Tudoré. Then the second event of the week is Paris Chanson, a virtual concert. It is hosted by the French-American Chamber of Commerce of Washington, D.C. It's Friday, June 12th, between 7 p.m. and 8:30 p.m. Eastern Time. To get the tickets, you can go to www.faccwdc.org. Enjoy! And now, back to the music. Now we're gonna listen to Nightwalk with Je suis gay, I am gay. Michel Polnareff avec Je suis un homme, I am a man, pretty controversial in the 70s. Then we're gonna listen to Polyester. I'm not familiar with the band, but the name of the song is J'aime regarder les mecs, featuring Bernard Garcia. I love to look up the guys. And there was a similar song that was very popular in the 80s that was J'aime regarder les filles, I love to look women. And it was a little bit creepy. And this one is the gay version of it. Jadis quand j'étais un petit gamin, j'avais un rêve. J'en rêvais tous les jours. Tous les jours de la semaine. Et un jour en dimanche, quand les vieux sont partis voir grand-mère, j'ai fouillé chez ma mère ses bottines, un brassière, mes chevilles, un gai jour d'été, des hauts plans des papillons, j'ai compris soudain. Notre planète est sur une orbite, une fleur gay, l'univers est gay aussi, et dans 6 ans l'Arctique fondra aussi. Les soleils rayons toujours, alors hésite pas et viens on sort. Regarde en vers de terre gay, un chien, une plante gay, et ça nous y a pas de photosynthèse, un gay jour d'été. Des hauts plans des papillons et dans un instant avouons. Je suis gay, je suis gay, je suis homo. Je suis gay, je suis gay, je suis homo. Sois gay aussi. Spermophile gay, une lutte gay, l'espadon. Et dans le ruisseau y a des poissons gays. Partout je vois des nuages gays. la société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voyaient passer dans la rue me traitaient de pédé, mais les femmes qu'ils croyaient m'ont depuis essayé. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Oh, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Toujours gay. À mon procès, moi j'ai cité une foule de témoins, toutes les filles du coin qui me connaissent très très bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment, j'ai pris ma belle voix et j'ai déclaré tout ce que j'ai déclaré. Là, je suis un homme pour la plus naturelle en somme, où les mots correspondent à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Qu'elles sont en nombre pair. En 70, il n'était pas question, s'arrêter du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours, quand je chanterai aussi nu qu'un tambour, vous verrez bien que je suis un homme, je suis un homme. Et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le paradis de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme, je suis un homme, roi de lune. Thank you.

les mains de ce petit mâle anormal. Vous voyez à quoi on peut échapper. Mon Xavier n'a pas protesté, a pleuré, a enroulé vaille que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman tendrement. Puis il a fait faire dodo. Sans avanie, son permis, ses sentiments pour son auto, son normaux, tous ne peuvent pas l'en dire autant. Bien souvent, vous voyez, tout finit par s'arranger. It was Régine with La Grande Zoa, Michel Sardou with Le Privilège, and Anne Sylvestre with Xavier. Now we're going to listen to Trio avec Brian Williamson, featuring Dub Incorporation, and it's a song about being gay in Jamaica and how it could be fatal. Then we're going to listen to Bonnie Tyler, and it's a cover of a song, Turn Around, but it's called Si Demain, If Tomorrow, and it's featuring Karine Anton, and it's most of the song is in French except for the chorus. Then we're going to listen to Lee Riggles with Mon Petit Mec à Moi, My Guy, Mine. Rasta, petit homme, handicap, tout taille, en somme, c'est la peste, le choléra. Ici les hommes ne rigolent pas. Guerrier, riez gaiement, c'est le Moyen-Âge, c'est dément. C'est le ghetto de Jamaïque qui a chiffonné sa musique. Brian Williamson, être homosexuel à Kingston. Les lyrics rentrent dans la tête. Les chanteurs ont sorti les machettes. Patty Boys ou Chichiman, nouvelle cible du Rastaman. Sous les colibets ridicules, c'est la Jamaïque qui brûle. Le reggae de la tolérance rend comme des allures de violence. Le Rasta bourreau, Rasta queer a laissé ses locks au vestiaire. Pour Brian Williamson, homosexuel à Kingston. Pas la vie cool, la vie irée. Par peace and love, passer l'acier. Brian Williamson, son péché aimé d'autres hommes. En chantant les frères, tous unis. Alors Marley aurait menti. Bam bam mele bam bam mele bang. Original trio de big combat des extrêmes. Quelques mots pour la fond car vous êtes un vrai problème. De Brunei à Kingston, c'est la mort ou la mort. Là c'est tout feu dans la fumée. Ses poumons à vouloir brûler. Les petites frappes, vos fillettes, les efféminés, les tapettes. Bounty Killer, Elephant Man, Capleton, Bolton, Bennyman ravalent leurs joints, se rasent la tête. Prépare le bûcher pour la fête de Brian Williamson. Être homosexuel à Kingston. Caribé, un mal au tropique. Il faudra fuir ta Jamaïque. Brian Williamson, son péché aimé d'autres hommes. En chantant les frères, tous unis. Alors Marley aurait menti. Ma Marley aurait menti. Ma Marley aurait. Les balles comme à Kingston. Ceux qui attisent le feu répètent tous le même credo. Les se cachent derrière Dieu mais ne sont que des fachos. Et dans tous les milieux j'entends les mêmes échos. Le poids des mots que l'on chantonne devient chaque fois plus lourd quand les lyrics sont brutaux. Même si on fait les sourds, personne n'ignore les propos. Si beaucoup parlent d'amour, ils lui tournent aussi le dos. So we sing again. J'ai la claque au fond des coulisses. Ce sont les coutumes de l'artiste. Et la jeunesse reprend en cœur l'appel au meurtre du chanteur. Ça passe comme une lettre à la poste. Ça chante, ça fait rêver les gosses. m'affiche. C'est du pipo, c'est de la triche. Brian Williamson, être homosexuel à Kingston, caribéen mal au tropique, il faudra fuir ta Jamaïque. Les années passent, mais les mentalités, elles n'évoluent pas. Toujours les mêmes bannières, les mêmes discours, les mêmes combats, les mêmes violences, les mêmes victimes dans ces pays, tu vois. Je rêve d'espoir et d'avenir. Oh, Hollywood, aïe, aïe, aïe. Oh, Zionist, aïe, aïe, aïe. Nigérianist, aïe, aïe, aïe. Oh, Soudanist, aïe, aïe, aïe. Je tourne en Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je tiens non. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je tiens non. Sur la terre entière je me sens abandonnée. Dis, est-ce que tout ça va changer? Je tiens non. Pour habiter ma solitude de mon mieux, moi qui ne sais qu'être deux. Je tiens non. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something white. Every now and then I get a little bit helpless and I like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your eyes. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. Moi, on se fait des câlins, on se fait des mamours, et les autres on s'en fout. Mon petit mec et moi, on se tient par la main et les gens tout autour ne regardent que nous, mon petit mec et moi, on s'embrasse sur la bouche quand je lui change sa couche. Ton petit mec et moi, on n'a rien besoin de se dire, et quand on se comprend, c'est souvent par hasard. Ton petit mec et moi, on s'observe grandir, tous les deux on s'apprend beaucoup par le regard. Ton petit mec et moi, on s'embrasse pas sur la bouche quand je lui change sa couche. Depuis le divorce, pour la justice, je vis tout seul avec mon fils. Mon ex étant hôtesse de l'air, ça lui laisse peu de temps pour être mère. Elle sait que je suis devenu homo, qu'on lui fera pas d'enfant dans le dos. Elle t'apprécie, te trouve super, elle dit qu'on fait une super paire de pères. Pour les voisins c'est différent, de PD ça fait pas de parents. Pour la morale n'en parlons pas, même si Jésus avait deux papas. Pour la rumeur ce serait trop dur, on serait deux pédophiles c'est sûr. Alors on joue les hétéros, on invite des copines au resto. Mon petit mec et toi, ton petit mec et toi, on est bien tous les trois, on est bien comme ça. It was Trio with Brian Williamson, Bonnie Tyler with Si Demain, Turn Around featuring Karine Anton, and Les Wriggles with Mon Petit Mec à Moi. Now we're going to close up the session with three songs about café or bars. And the first one is going to be from Annie Cordy avec Café de Chez Nous, the café from our place. And she's talking about the diversity and the different kind of people coming in the café and how it's a big mix. Then Johnny Montreuil with Au fond des bars, at the back of the bar, where you get the usuals and, you know, you get the regulars, and then they are moving on in the back of the bar to talk with friends and stuff. Then Eddie Mitchell with Au bar du Lutetia, at the bar of the Lutetia. Lutetia used to be the old name of Paris at the time of the Romans. And there are still some bars bearing this name, so... Ça vient, 421. Hey, ça va, ça vient. Salut, machin. Au revoir, merci. À la prochaine. Deux, trois titis qui se ramènent, blaguant tout le monde malicieusement. Baratineur, rarement méchant. Le bruit des verres, le bruit des voix. Tiens, la grand-père. Ben, assieds-toi là. Et la patronne, une femme comme ça, s'occupe de tout. Range-toi, papa. Fais gaffe au verre, mais retire ta main de là. Et toi, gangster, hein? Qu'est-ce que tu bois? Café de chez nous, pas fier pour un sou, plein de rire et de vie, de fumée et de cris. Petit bistrot du coin, chez Julou, chez Tintin, moi je vous aime bien, vous êtes mes copains. Y'a le vieux beau avec ses tics, y'a Monsieur Jo, lui, il est flic. Et y'a Julien, le comédien, qui un jour sera quelqu'un. Ça, c'est ce que dit la patronne. Et y'a l'ami de la petite bonne, une drôle d'armoire de chez Renault, dans la bagarre, un vrai taureau. À la belote, le patron s'affaire, c'est sa marotte, y'a rien à faire. Et que je t'insulte, partenaire, qu'il réinsulte. Capot, ouais, ils étaient capots. Mais pourquoi t'as pas joué tes piques? Mais joue à la bataille, mon vieux, mais pas à la belote. D'ailleurs, je vais te dire, moi, la belote, c'est une science. C'est pas un jeu de fillette. Et 10 de d'air. Café de chez nous, pas fier pour un sou, plein de rire et de vie, de fumée et de curry. petit bistrot du coin, chez Jules ou chez Tintin. Moi je vous aime bien, vous êtes mes copains. Yeux dans les yeux, deux gosses sont là, c'est la note bleue, un bleu de roi. Tandis qu'au bar, la politique n'est pas en retard, on s'explique. Gouvernement et leurs impôts, ben, ils nous prennent pour des ballons. Maman, étonnée qui vous parle, je vous jure que ça changerait si monsieur le président, il m'écoutait. Et puis plus loin, les pronostics s'en vont bon train, on donne son fric pour un tuyau d'hyper toto. Oh, sacré bistrot du populo. Café de chez nous, pas fier pour un sou. Plein de rire et de vie, de fumée et de cris. Petit bistrot du coin, chez Jules ou chez Tintin. Moi je vous aime bien, vous êtes mes copains. Salut les gars, et à demain. Allez, au revoir. Comme tombés du ciel, sont assoiffés d'azur, mais malgré leur cœur pur, on dirait que la vie leur a brûlé les ailes. Tous ces garçons n'aiment que le rock'n'roll, et lorsque les nuits ont des reflets étranges, leur font une auréole, ils ressentent à des anges. Et chaque soir, ils se retrouvent au fond des bars. Le jour s'enfuit, ils savent qui déjà part. Tous mes amis, sur des rythmes sauvages, ont oublié leur âge et le son des guitares, déchirant le silence, berce leur désespoir. Tous ces garçons, pleure tout seul dans le noir, un amour disparu ou un copain qui ne reverront jamais plus. Tous ces garçons aiment le rire de tout, de leur joie, de leur peine et à en perdre haleine. Mais malgré leur rigueur, ils iront jusqu'au bout. Et chaque soir, ils se retrouvent au fond des bars. Le jour s'enfuit, ils savent qui veut déjà ils se retrouvent au fond des bars. Le jour s'enfuit, ils savent qui veut déjà tard. Tous mes amis, ça leur ressemble un peu. Et parfois je me dis qu'on trouvera dans la vie un destin plus heureux, et pour moi et pour eux. Et nous serons heureux. Blues dans sa vie. Au bar de Lutetia, piano connaît sa voix. Avec le musicien, il joue à quatre mains. Il plagie Can Bezin et Roll Garner aussi. Il attend le matin, mais sa nuit est sans fin. Il y a des filles ne vivant que du string minimum qui rôde autour de lui. Des clients et méchants qui écoute la musique, l'homme à la tête de chaud qui s'en fout. Au bar du Lutetia, il chante à Stan Gosby, revisitant Bogart, jouant dans Casablanca. Il imite regarde, boisson martini dry, enveloppé de fumée, nuage gribeté. Il y a des filles ne vivant que du string minimum qui rôde autour. Modèles effeuillés, toutes faites à consommer. Le malin, tête de chou, change en loup. It was Annie Cordy with Café de chez nous, Johnny Montreuil with Au fond des bars, and Eddie Mitchell with Au bar du Lutetia. Eh ben, au revoir tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Night. We'll be safe. Be safe and we'll be with you again next week. And hopefully we'll be able to get back safely to the studio soon. Yeah, at some point we should. And yeah, and keep listening to Bonjour Minnesota and French Influences. Mm-hmm. Yes, and online. Yep, and KFA is still going to be there for you. Yes. Perfect. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Okay. You're listening to Fresh Air Community Radio KFI 90.3 FM Minneapolis and on the web at kfi.org, Radio Without Boundaries.